Alors, je sens que je vais encore accentuer la diversité des situations, des manières d'évaluer, etc., etc. Avec un propos qui sera à la fois différent sur le fond et peut-être aussi sur la forme. Sur la forme, parce que je n'ai pas de PowerPoint, je n'ai pas de graphique ni en couleur ni en noir et blanc. Et sur le fond, parce qu'on va voir qu'il y a un certain nombre de différences significatives entre ce que fait le CNU, ce que font les CNU en général et ce qui nous a été raconté sur l'ANR et le co-CNRS. Alors, c'est certainement plus proche du co-CNRS que de l'ANR, bien évidemment. Alors, je rappelle un petit peu le contexte, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le CNU, et en particulier CNU 19, hein, dans lequel j'ai siégé donc 4 ans, un mandat complet. Donc c'est le CNU de sociologie et démographie, ce qui conduit à une première remarque, c'est qu'on est sur quelque chose où il y a une assez forte unité quand même disciplinaire. On n'est pas sur le schéma tout à l'heure où il y avait, de cette manière, les sciences de la Terre, les sciences de la cosmologie et peut-être la géophysique, des choses très différentes. On est sur quelque chose où, même si la sociologie et démographie, vous savez comme moi, est parfois traversée par des tensions, des diversités et des oppositions fortes et des manières de faire peu conciliables, on est quand même sur, malgré tout, une discipline dont on peut essayer de parler de manière un peu unitaire. Voilà. Donc, périmètre sociodémographie, c'est un comité de 36 membres, et à la différence de ce qui se passe au moins à l'ANR, d'après ce que j'ai bien de savoir un peu plus précisément, sur ces 36 membres permanents, qui sont élus pour 4 ans, les deux tiers sont élus, et un tiers est nommé par le ministère. Voilà. Donc, deux tiers d'élus, un tiers nommé, avec une parité de rang A et de rang B. Un mandat de 4 ans et le président est élu par l'Assemblée ainsi constituée des 36 membres. 36 membres auxquels il faut ajouter, sur le papier, mais pas que sur le papier, je reviendrai tout à l'heure si j'oublie pas, par 36 membres supplémentaires qui sont les suppléants, justement. Donc on a 36 titulaires qui sont supposés siéger en priorité, disons. Mais comme je disais à l'instant, on reviendra un petit peu sur cette notion. Et 36 membres suppléants qui, bah justement, viennent suppléer lorsqu'il y a une défaillance, une démission, quelque chose comme ça. Avec des règles très compliquées sur lesquelles je ne m'appesantis pas. Ça n'a pas d'importance ici. Alors, je rappelle aussi pour celles ou ceux qui auraient soit oublié, soit ne connaîtraient absolument pas le contexte, que lorsque j'ai pris mon mandat en 2011, fin 2011, on sortait pas encore d'ailleurs, on était dans une phase un peu compliquée pour ce CNU 19 qui avait connu de vagues très importantes de démissions, une forte contestation, on va dire même une forte délégitimation suite à des affaires diverses et variées sur lesquelles je ne reviens pas ici. Mais disons, voilà, il y avait au sein du CNU 19 une assez forte, enfin au sein de la communauté des sociologues démographes, une certaine méfiance à l'égard du CNU 19, et on a été élu sur une base d'une volonté de reconstruction des méthodes de travail, d'évaluation, un peu de rigueur dans cette évaluation, on verra ce qu'on a essayé de faire, et puis surtout essayer de relégitimer un tout petit peu cette instance auprès d'une communauté qui la voyait d'un très mauvais œil, pour une part. Alors, je vais assez rapidement venir sur les différences, hein, qui marquent le travail du CNU par rapport à ce qui vient d'être dit, mais je vais quand même souligner quelques points communs ou quelques spécificités supplémentaires. Alors, je l'ai dit, c'est disciplinaire. Je rejoins en partie ce que vous disiez tout à l'heure sur l'apprentissage. Alors, c'est vrai que le CNU 19, lorsqu'il a été reconstitué donc en 2011, par deux tiers d'élus, un tiers nommé, était un CNU quasiment vierge, c'est-à-dire que personne n'avait cette expérience-là, presque personne n'avait cette expérience. On venait tous de très loin, de cette manière, et l'apprentissage, les deux, voire trois premières années, en tout cas les deux premières années, a été tout à fait indispensable. La première année a été une année un peu douloureuse, non pas par les conflits, mais parce qu'il a fallu énormément travailler les procédures de décision, d'évaluation, de critères, etc., etc. La deuxième année est année où de cette manière, on a commencé à roder, la troisième année et la quatrième année, des années... Voilà. Donc, c'est vrai que le fonctionnement était très différent d'année en année, parce qu'on sortait d'une situation de crise peut-être, mais aussi parce qu'on était tous de cette manière très, très ignorants et très peu expérimentés. L'autre caractéristique, puisque ça a été évoqué, il n'y a au CNU, dans le CNU 19 en tout cas, aucune note qui est distribuée à aucun moment. Alors on y reviendra un tout petit peu, puisqu'il y a des lettres qui qui ressemble un peu à des notes. En tout cas, il n'y a aucune note et donc aucune moyenne calculable. D'accord ? Donc on ne redresse pas les notes, on les centre pas, voilà. Il n'y a pas de travail sur les notes, aucune évaluation de notes. Il n'y a quasiment aucun, on va dire, dans 99,9% des cas, aucun appel à des rapporteurs extérieurs, ce sont exclusivement les rapporteurs en interne du CNU qui font le rapport et qui siègent durant une semaine, 3, 4, 5 jours, suivant on va dire plutôt une semaine en général, qui siègent durant une semaine pour discuter des rapports. Donc tous les experts sont là, et sauf une ou deux reprises, parce qu'on était dans des situations très exceptionnelles, il m'a été donné de lire des rapports de rapporteurs absents, mais normalement les rapporteurs sont là et ça change beaucoup de choses d'une certaine manière quand on peut échanger entre rapporteurs. La discussion, effectivement, prend certes beaucoup de temps, mais absolument centrale, à la fois pour élaborer d'une certaine manière ou converger vers des avis. Alors, parfois ça ne converge pas, parfois ça continue à diverger entre les rapporteurs et la communauté, enfin les 36 membres continuent à se déchirer un peu, mais il arrive quand même assez souvent que, d'une certaine manière, malgré les différences d'école, de manière de penser, de génération, de statut, etc., on converge vers des avis. Et là, je trouve que la discussion, le temps de la discussion est tout à fait indispensable. Nos sessions étaient relativement longues, les rapporteurs étaient présents, et comme je disais, à quelques exceptions près, c'est eux qui faisaient, quelques très très rares exceptions près, c'est eux qui faisaient leur rapport et les échanges étaient entre rapporteurs puis avec la salle dans son ensemble. Une autre caractéristique forte par rapport à ce qui a été dit, exposé dans les deux exposés précédents, c'est que les CNU n'évaluent en fait que des situations individuelles. C'est pas des situations, on n'évalue pas de laboratoire, on n'évalue pas de projet collectif, on n'évalue pas de programme de recherche, on évalue entre guillemets que des situations individuelles, des dossiers individuels, et je dirais dans quelques instants qu'il y a une grande diversité de finalités de cette évaluation, hein, et de raisons d'être de cette évaluation. Mais en tout cas, voilà, on est absolument, c'est très très différent évidemment de ce qui se passe à l'ANR. On évalue des situations individuelles. Alors, je rajoute pour les sociologues qui sont dans la salle je suis juste un témoin ici, je n'ai absolument pas fait de sociologie du travail que nous avons conduit, ni d'ethnographie, ni d'anthropologie du travail que nous avons conduit. Là, je me positionne uniquement, malheureusement, en témoin qui a siégé dans 4 ans et qui a piloté ou accompagné le pilotage de cette instance pendant 4 ans. Alors, voilà, donc ce n'est pas un travail de sociologue d'instance d'évaluation que je vous propose, c'est vraiment un témoignage comptant des échanges que cela va, j'espère, permettre. Alors, j'ai dit à l'instant que c'était des évaluations sur des situations individuelles, mais en fait, c'est des situations individuelles, mais la finalité de cette évaluation, les finalités de ces évaluations sont très très différentes. On a une première finalité, premier type d'évaluation, pour de cette manière qui n'a pas de... J'ai pas trouvé d'écho à ce que je vais vous dire dans ce qui a été dit jusqu'à présent. On a une évaluation qui est pourtant au cœur et qui occupe beaucoup notre emploi du temps et qui, d'une certaine manière, est très symboliquement le cœur de métier du CNU dans beaucoup d'esprits. C'est quelque chose qui relève d'un examen. On n'est absolument pas dans le concours, on n'est pas dans le classement, on est dans un examen. Est-ce que, grosso modo, l'élève a le niveau ou pas ? C'est un bac, au fond. Hein. C'est la qualification. La qualification, on n'a pas de quota sur il faut qualifier 10%, 20%, 30%, 100% des candidats. On distribue autant de labels, de tampons, de qualifications qu'on veut. On peut, d'une année sur l'autre, passer de 20% de qualifiés à 70% de qualifiés. Ça fera peut-être grincer des dents, ça laissera peut-être les collègues perplexes. Mais ça ne change rien à la légitimité de notre travail, d'une certaine manière. On est totalement libre de distribuer le bac, entre guillemets, donc cette qualification à ceux qu'on estime le mériter. Donc, c'est une question de niveau, et on est sur, de niveau d'expérience. Alors, après, on peut rentrer sur qu'est-ce qu'on juge là-dedans. Hein. Je suis prêt, évidemment, à répondre à toutes les questions. Ce n'est pas mon propos premier ici, mais évidemment, ça fera peut-être l'objet de questions. Voilà, l'expérience d'enseignement, l'expérience, disons, d'animation des collectifs, et puis, bien évidemment, pour la qualification en fonction de maître de conférence, on va dire le niveau de la thèse, la qualité de la thèse, la reconnaissance de cette thèse, la critique que le jury a portée ou pas sur cette thèse, les activités scientifiques, les publications, les communications, voilà. Donc, on évalue le niveau, disons, scientifique du candidat ou de la candidate, auquel on ajoute une évaluation de ses expériences d'enseignement et une évaluation de l'expérience de son engagement, disons, dans des collectifs. Hein, ça peut avoir animé un séminaire de doctorants, ça peut avoir participé à l'organisation d'un colloque, ça peut éventuellement s'occuper d'une revue, etc., ou d'un site web. Bon. Toutes des activités collectives que l'on attend quelqu'un qui n'est pas encore en poste, hein, évidemment. Qu'on peut attendre, disons. Premier type d'examen, premier type d'évaluation, qui est une évaluation qui n'est pas un concours, qui est vraiment un examen. Ensuite, on a deux autres types d'évaluation qui relèvent davantage du concours, qui s'approchent davantage de ce qui a été dit tout à l'heure, en tout cas sur l'ANR, toujours sur des dossiers ou des candidatures individuelles, qui sont l'examen des candidatures sur des candidats aux promotions, donc un maître de conférence qui est déjà classe dite normale des maîtres de conférence et qui souhaite passer là hors classe, il faut qu'il passe par le CMU nécessairement, qui donne un avis, qui attribue la promotion ou à minimum donne un avis sur cette promotion si on ne l'attribue pas. Pour les professeurs, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des grades un peu plus riches. Hein. Bon, voilà, il y a la hors classe, il y a la première classe, il y a la classe exceptionnelle 1, classe exceptionnelle 2. Enfin, voilà, on est sur un concours où il y avait un contingent évidemment très restreint de supports possibles pour promouvoir les collègues. Grosso modo, sur les maîtres de conférences, hein, il y a à peu près 600 maîtres de conférences, 500, 600 maîtres de conférences en sociologie et démographie en France. Aujourd'hui, on a chaque année au CNU à peu près 8 ou 9 supports possibles pour promouvoir des maîtres de conférences à leur classe. On est dans un rapport à peu près équivalent sur les professeurs. Il y a à peu près 300 professeurs en sociologie et démographie en France aujourd'hui, à peu près. Et on a à peu près 5 ou 6, non, un petit peu plus, 8 promotions à la première classe, 5 à la classe exceptionnelle 1 et une, voire deux, les meilleures années, à la classe exceptionnelle 2, donc le sommet de la pyramide du sommet de la pyramide. Voilà. Là, on est sur un concours, évidemment. Il faut classer les individus, on ne donne pas de notes. Il y a une particularité peut-être enfin, il y a un parallèle peut-être à faire sur les candidatures, les candidatures individuelles à une promotion. Un petit parallèle avec les concours, le classement des projets, c'est que ne sont candidats que ceux qui souhaitent l'être. Il n'y a aucun automatisme. On ne passe pas en revue l'ensemble des dossiers des candidats qui seraient promouvables, qui seraient en position par leur ancienneté, par leur position administrative à être promus. Non, ne sont examinés que les candidats qui souhaitent l'être. D'accord? Donc c'est sur la base du volontariat. Et ça change beaucoup de choses pour une raison que j'évoquerai tout à l'heure. Autre situation. Toujours dans ce second paquet, j'ai dit qu'il y avait trois paquets. Il y a un paquet qui est l'examen qualification, un concours sur des candidatures individuelles promotion, et alors quelque chose qu'on a expérimenté pour la première année en 2015, première et dernière fois pour moi en tout cas, en 2015, qui sont les distributions des notes pour les primes d'encadrement, pour les primes, non, publication, ce qu'on appelle PEDR. Donc c'est publication, encadrement, direction Non, c'est pas recherche. PEDR, c'est. Encadrement doctoral et recherche. Non, non, ça c'était l'ancienne terminologie, mais c'est plus ces terminologies-là. P, c'est plus rayonnement, merci. Voilà. Oui. J'allais dire valorisation, c'est rayonnement, je n'arrive pas à comprendre le lien entre V et ER. Donc c'est rayonnement, merci. Donc c'est publication, encadrement, direction et rayonnement. Donc valorisation. Donc le PEDR, c'est. Voilà. Mais ça change les choses. Donc c'est, voilà, la différence de ce qui se passe pour les promotions à la hors classe, à la classe exceptionnelle, on n'attribue aucune promotion, on distribue des notes. Alors des notes qui sont sous forme de lettres, d'accord, A, B, C, selon différents critères, plus une note globale, enfin une lettre globale, mais ça ne permet pas de calculer des moyennes, et donc on a des candidats qui vont avoir, évidemment, on pourrait comprendre, un BBB ou un BCB, est-ce que c'est mieux qu'un candidat qui a ACC ? C'est évident. Donc on ne peut pas automatiser les calculs, etc., mais il faut quand même arriver à, en bout de course, classer ces individus pour faire 20% d'individus candidats qui auront la meilleure note A, 30% qui auront une note intermédiaire B, et 50% qui auront la mauvaise note, même si on n'est pas censé appeler ça la mauvaise note, mais 50% de C. Donc voilà. On est aussi sur un concours, pardonnez-moi d'utiliser ce terme, parce que ce n'est pas tout à fait le terme consacré, mais c'est pour vous faire comprendre la différence avec la qualification tout à l'heure. On est sur un concours où c'est évidemment des candidatures individuelles, je l'ai dit, mais sur la base du volontariat. Tout le monde n'est pas candidat. Et que le nombre de A, B, C qu'on peut distribuer est directement dépendant. J'ai dit que c'était 20%, mais 20% de quoi ? 20% des candidats, et non pas 20% du corps, parce que sinon ce serait facile. 20% des candidats. Donc si une année on a 10 candidats, on n'aura que 2 A à distribuer. Si l'année suivante on a 100 candidats, on aura 20 A à distribuer. Voilà. Ce qui complique considérablement les choses. Et voilà. Troisième forme de l'évaluation, alors c'est ce qui se rapprocherait encore un peu davantage de l'ANR, de ce qui nous a été dit tout à l'heure sur l'ANR, c'est qu'on évalue des projets de recherche, mais c'est des projets individuels. Alors, c'est officiellement des projets de recherche puisque c'est des évaluations pour ce qu'on appelle les CRCT, c'est-à-dire des congés de recherche ou de reconversion thématique, CRCT. Alors, c'est vraiment sur un projet de reconversion, un projet de recherche. Dans tous les cas que nous avons examinés, c'était vraiment des projets de recherche. Mais on n'examine pas seulement le projet de recherche, parce que ce projet de recherche, il s'insère dans un parcours professionnel d'un individu. Je vous donne un exemple illustratif et assez fréquent des situations que nous avions à examiner. Le candidat qui demande un CRCT, donc c'est un congé de 6 mois, hein, c'est pas colossal, hein, c'est 6 mois, pour avancer dans son HDR. Donc on est obligé, de cette manière, d'évaluer un peu la maturité de son projet. On ne peut pas juger uniquement le projet dans son le projet scientifique, hein, pas une évaluation absolue du projet scientifique. On est obligé de voir si ce projet scientifique tient la route dans les 6 mois qu'on est susceptible de lui accorder. On regarde ce qu'il a fait avant et ce qu'il est susceptible de faire après. Voilà. Donc c'est l'évaluation d'un projet, certes, mais c'est un projet qui s'insère dans un itinéraire, dans une situation professionnelle, dans un cheminement professionnel, et on ne peut pas en faire l'abstraction. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Et là, pour vous dire à quel point l'exercice était périlleux, pour l'ensemble de la communauté, nous disposions de 5 semestres à distribuer. Voilà. Voilà, ça c'était les trois, de sa manière, les trois activités principales qui occupaient les semaines de nos mandats, des 4 années de notre mandat. Alors, va s'ajouter quelque chose pour le futur CNU, quelque chose que nous on a vu apparaître, auquel on a résisté, et puis bon, les changements de majorité gouvernementale, et puis la frivolité peut-être, et puis l'incertitude à retarder cela, mais ça va arriver, qui est une nouvelle fonction du CNU, vous avez certainement entendu parler, qui est la question du suivi de carrière. C'est nouveau, puisqu'on est plus sur une évaluation ponctuelle comme une demande de promotion ou comme une demande de qualification. C'est quelque chose qui va devoir s'inscrire dans le temps, ça c'est la première différence, dans la durée, et qui sera systématique. À la différence de tout ce qui se passait précédemment, je l'ai dit tout à l'heure, pour les promotions, pour la PEDR, voire pour la qualification, ne sont candidats que ceux qui le souhaitent. Là, on se aura, d'une certaine manière, le CNU devra passer en revue l'ensemble des membres de la communauté, des 900 membres enseignants-chercheurs en sociologie. Alors, certainement, un cinquième chaque année, hein, pour se synchroniser avec l'ARS et les vagues ARS, mais quand même, ça fera à peu près 200-250 dossiers chaque année. Ça risque de ne pas être très très simple. Alors, voilà, c'est pour vous planter un tout petit peu le décor. Alors, j'ai absolument pas calibré mon intervention, donc vous me coupez quand vous souhaitez. J'ai encore des choses à dire, mais je peux. Alors, si j'ai du temps. Oui. Bon. Alors, je voudrais faire une remarque. Je vous ai planté le décor. Maintenant, je vais faire des remarques un tout petit peu sur les questions qui ont peut-être trouver des réponses dans la manière dont on a travaillé, et puis des questions qui sont restées totalement ouvertes et qui encore aujourd'hui me tracassent. Même si je ne suis plus, je pense qu'il faut, on s'en saisisse un petit peu collectivement. Alors, la première chose contre laquelle j'ai lutté, et pourtant il y a une propension très très forte, y compris chez les sociologues qui sont parfois très réfractaires à ce type d'évaluation, mais il se trouve que bien que ma formation me pousse vers les statistiques, la standardisation, les calculs de moyenne, etc., j'ai freiné des cas de fer pour éviter toute standardisation de la lecture des dossiers. Et pourtant, je peux vous avouer qu'y compris certains collègues qui situaient politiquement à des endroits assez radicaux ont poussé vers la standardisation. Ça sera plus facile, on ira plus vite, ce sera plus juste, etc. Je ne suis pas certain que la standardisation soit plus juste. La standardisation d'un dossier, en disant voilà, on va faire très attention aux revues. Voilà, aux revues dans lesquelles elles sont publiées, très attention au fait que c'est un colloque national, international, avec un conseil scientifique ou pas, ça sera un demi-point de plus. Si c'est avec un conseil scientifique international, ça sera un demi-point de moins. Si ce sera avec un conseil scientifique simplement national, ça sera un quart de point. Si c'est juste un colloque national et puis un séminaire, ça vaut un dixième de point. Voilà. Cette mécanique qui peut s'engager très très vite sur... On avait quand même à peu près sur les qualifications 600 dossiers annuels. D'accord ? On voit très vite qu'on peut très, très vite gagner du temps à avoir envie de s'engager là-dedans. Un codage des dossiers par les rapporteurs selon une grille très standardisée. Ça rassure les rapporteurs et beaucoup de rapporteurs le demandent. Ça, c'est ma grande surprise. Beaucoup de rapporteurs auraient souhaité avoir cette grille. Les premières réunions au CNU, c'était une réunion pour, de cette manière, engager un peu le travail dans cette direction et puis finalement après freiner, en tout cas moi j'ai fait partie de ceux qui ont beaucoup freiné cette idée de standardiser les dossiers. Donc oui, on explicite les critères qu'on utilise, oui on essaye, alors c'est là où l'apprentissage joue beaucoup, et c'est d'année en année de dire oui ben voilà c'est je rappelle-vous que il y a des critères qui ont émergé par exemple chez nous, alors c'est comment démarrer de rien, c'était des critères qui vous paraissent on démarrait de rien, on avait assez peu d'expérience, c'est des critères qui vous paraissent évidents, mais le quelque chose auquel on n'avait pas pensé spontanément la première année et qui de cette manière est devenu un critère très important là ensuite, qui était trop faible nombre de revues dans lesquelles on publie. On en a beau avoir 50 articles, si c'est toujours dans la même revue, je suis désolé, ça ne comptera pas comme 50 articles dans 50 revues différentes. C'est évident, et il y a encore aujourd'hui beaucoup de dossiers qui sont ancrés dans une seule revue, quelle qu'elle soit, et de cette manière, on y a fait attention, on a essayé d'envoyer des messages, etc. Donc on a appris, on a essayé d'envoyer des messages à travers notre rapport annuel à la communauté. Donc, explicitation des critères et de cette manière... thésaurisation de ces critères au fur des années, oui. Standardisation des critères et des notes qu'on pourrait attribuer en disant c'est mieux, c'est moins bien, etc. Hiérarchie, on a essayé de lutter au maximum contre. De la même manière que nous avons lutté contre l'existence de critères dits rédhibitoires. Je vous donnais un exemple de critères rédhibitoires. Lorsqu'on est arrivé, il y avait un certain nombre de collègues quand même qui avaient siégé dans le CNU précédent et qui incarnaient une certaine continuité avec le CNU précédent avec lequel on voulait rompre. Et ils nous ont dit, un professeur devoir publier des livres, point. On ne peut pas être professeur sans livre. On s'est battu et on a fait tomber ce critère. Ça, pour moi, c'est un critère rédhibitoire. C'est qu'on écarte un dossier sous prétexte que le feu n'est pas ouvert sur ce dossier sur un truc. Donc, pas de critères rédhibitoires, pas de standardisation excessive des dossiers, à la fois dans leur présentation et dans leur lecture. En revanche, explicitation des critères. Et vous voyez bien que cette lecture, on va dire, un peu qualitative, peu standardisée, oui, elle n'est possible que si on partage une connaissance, une expertise et un savoir-faire un peu collectif. Sinon, effectivement, c'est très douloureux. Et ça laisse, c'est très douloureux dans les commissions, ça on y arrive encore, mais surtout ça laisse les rapporteurs dans un abîme de perplexité quand ceux qui sont tout seuls devant leur rapport chez eux, devant les dossiers. Voilà. La première année, c'est vrai qu'on a tous un peu souffert. La deuxième année, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est allé un petit peu mieux puisqu'on savait un peu quels étaient les critères auxquels il fallait faire attention. Et puis, l'apprentissage est tout à fait essentiel, hein, je répète une dernière fois. Alors, pourquoi est-ce j'étais, bien que ma formation me conduisait plutôt vers l'idée de recourir à des procédures standardisées et quantitatives, Pourquoi est-ce qu'on j'ai lutté, nous avons lutté contre? Ben, parce qu'on voit très facilement que, c'est une phrase un peu tarte à la crème, mais je vais quand même la prononcer, hein. On compte, la standardisation conduit quand même à compter ce qui peut se compter, et non pas ce qui compte pour la recherche. On va compter un nombre d'articles, on va compter l'impact facteur des revues, on va compter le nombre de communications dans des comités internationaux, on va compter le nombre de fois qu'on a siégé dans des jurys de thèse, on va compter le nombre de jurys ou de thèses qu'on a encadrées, etc. Mais alors, si on fait ça, on l'a fait, ça nous arrive évidemment de prendre cette voie-là, on oublie complètement de discuter. 3 minutes. On oublie complètement de discuter le contenu de la thèse. La méthodologie de travail, la pertinence, les critères qu'a mis en place le jury pour dire que la thèse était plus ou moins bonne, etc. On rentre très vite, à mon sens, on rentre dans un oubli du contenu du travail scientifique. En tout cas, pour les thèses, c'est tout à fait flagrant. Alors, évidemment, quand on a des dossiers qui sont beaucoup plus riches qu'une thèse, le dossier d'un professeur, 50, 55 ans, voilà, on ne peut pas aller lire chacune de ses publications, on juge une globalité, donc là, peut-être que le... Bon, mais pour un docteur qui demande une qualification, si on ne rentre pas dans la thèse et si on se contente de faire une évaluation externe, je crois que c'est un peu ennuyeux. Bon. Et deuxième raison pour laquelle l'évaluation standardisée m'a toujours un peu chagriné, même si voilà, on met des notes sur les copies, donc ouais, il y a quand même des choses qu'on doit faire, c'est qu'au fond, à partir du moment où on explicite des critères en nombre limité, forcément, ben, le critère ne veut plus un instrument de mesure, ça devient un objectif pour le candidat. Donc il va lire... ça devient plus... On perd la qualité de l'instrument de mesure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'instrument de mesure devient un objectif, pour moi, ce n'est plus un instrument de mesure. C'est est-ce que le candidat a atteint son objectif. C'est quand même très, très différent. D'accord. Voilà, je vais vite parce qu'il me reste plus que, on va dire, 2 minutes. Parmi les questions qui restent ouvertes, on produit des évaluations individuelles sur des dossiers alors, qui sont parfois des projets scientifiques. Donc, prendre une mauvaise note sur un projet scientifique, on arrive à l'accepter. On dit bah, je vais revoir ma copie. C'est qu'on prend une mauvaise note sur un article dans une revue. Bon, je revois ma copie. Les évaluateurs m'ont envoyé des messages. Je vais réviser, retravailler mon truc. Prendre une mauvaise note sur une carrière, sur un dossier qui est juste un dossier de carrière, c'est un peu plus douloureux. Et je dois avouer que la dernière session que nous avons fait au CNU, c'est qu'on a, après un an de grève, on a quand même accepté de faire la PEDR. Mais d'envoyer les notes à des collègues, qu'on les connaisse ou pas, quand on les connaisse, c'est encore plus ennuyeux, hein, envoyer la note C à des collègues qui ont fait évaluer un dossier, qui est un dossier de ma carrière, au fond, à un moment donné, ma carrière, je fais évaluer mon dossier. Est-ce que mon dossier est plutôt... bon, et je vais avoir ma prime, ou est-ce que mon dossier n'est pas bon, j'aurai pas ma prime. Envoyer une note C, c'est quand même quelque chose qui est assez douloureux, et on voit bien qu'on ne peut pas corriger le tir. Autant on peut corriger le tir sur un article, éventuellement corriger le tir sur un projet scientifique, en disant bah, l'année prochaine je serai meilleur, je représenterai l'année prochaine avec une équipe différente, avec des hypothèses différentes, avec une méthodologie un peu plus. Sur un dossier académique, un peu complet, on évalue un peu tout, hein, les publications, les activités, l'ancienneté, les responsabilités prises au fil du temps. Ouf, voilà. C'est un peu dur, et je crois que c'est une des questions, c'est qu'est-ce que ça produit sur les collègues et qu'est-ce que ça produit sur la crédibilité du travail qu'on rend. Je rajouterai une question, évidemment, mais qui est spécifique à l'exercice épouvantable qui est la PEDR, c'est qu'on doit distribuer 50% de mauvaises notes. Le C n'est pas une mauvaise note, mais c'est quand même la moins bonne. Enfin, c'est la moins bonne. Non, c'est pas la plus mauvaise, c'est la moins bonne. On peut jouer sur les mots, hein. Mais malgré tout, 50% de collègues qui sont mauvais, ou qui sont les moins bons, c'est un peu douloureux. Surtout que les collègues sont sur la base du volontariat. Et donc, ils y vont, et puis ils risquent de prendre une claque. Et puis dans ce système, on aurait. C'est une tarte à la crème, ce que je vais donner là, c'est une boutade, mais. On n'a pas de prix Nobel en sociologie, mais on aurait une année 10 prix Nobel qui se présenteraient, seulement 10 prix Nobel, pas d'autres candidats, on serait obligé quand même de trouver 5 prix Nobel auxquels on mettrait ces 10. Voilà. Le système est là-dessus complètement dingue, on en a beaucoup parlé, je reviendrai un petit peu. Problème auquel on a été confronté. J'écoutais, j'entendais, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des règles de déport qui fait qu'effectivement, quand on est concerné par son laboratoire, parce que c'est un collègue, parce qu'on est co-signataire, etc., etc., on sort, on se tait, on n'a pas droit à la parole. C'est très bien. Mais il nous est arrivé, hein, je peux le dire, et puis, que ça conduise au fond, puisque les collègues qui connaissent bien le dossier, qui connaissent bien, savent que c'est totalement mensonger, ils n'ont pas droit à la parole. Nous, on a un dossier qui est parfois totalement mensonger. Ça nous est arrivé deux, trois fois d'avoir des dossiers totalement mensongers. Comme ceux qui connaissent la situation locale sont interdits de parole, bien, on évalue ce dossier mensonger comme s'il était totalement véridique. Donc, les règles de déport, donc interdiction de prise de parole parce qu'on connaît, parce que ceci, c'est très bien, mais ça pose des problèmes pour garantir l'authenticité de certains dossiers. Et alors c'est, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, ça nous a... Ça nous a resté un peu en travers la gorge après coup. Alors, je voudrais terminer. J'ai fini, j'ai plein de choses à dire, mais je vais finir par une remarque sur la question du suivi de carrière. Sur le parallèle entre. Une petite réflexion hein, sur l'exercice qu'on fait au CNU, qui est l'évaluation ponctuelle d'un dossier à un moment donné. Voilà, le candidat veut une PEDR, le candidat veut une promotion, il envoie son dossier, et puis peut-être que pendant 20 ans, il ne demandera plus rien. Ce qui serait une gestion de carrière, suivi de carrière, donc au fond, gestion de carrière, et donc gestion des ressources humaines. Alors, ce serait vraiment changer l'exercice du CNU que de conférer un rôle de direction des ressources humaines, de gestion des ressources humaines. Je vais vous donner un exemple. Il se trouve que on a fait des rapports au CNU, et que là, sur la sollicitation d'une association de sociologues, j'ai repris toutes les statistiques qu'on avait publiées sur qu'est-ce qu'on a fait, au fond, les rapports, calculer les rapports différenciés de chance, les rapports relatifs de chance entre les hommes et les femmes d'obtenir une promotion, en fonction de l'âge, en fonction de l'université. Enfin bon, on a fait un certain nombre de statistiques de ce type-là. Bon. Et on s'aperçoit, d'une certaine manière, on ne l'a pas fait exprès, mais c'est quand même ce qu'on a fait. Que sur certaines promotions, les hommes ont un avantage indéniable, notamment les promotions dans le corps des professeurs. Le rapport de chance est très très très favorable aux hommes, c'est un rapport de 1 à 5. Et dans le corps des maîtres de conférences, le rapport est favorable aux femmes, aux candidates. On a un rapport de 1 à 2, 1 à 3. D'accord. Le CNU ne peut pas corriger ça, parce que le CNU hérite des dossiers qui lui arrivent. Je pense, on peut toujours critiquer le travail qu'on a fait, mais je pense qu'on a fait un travail qui était relativement sérieux, et notre comité était à parité, on a fait attention effectivement aux remarques éventuellement sexistes qui pouvaient traîner, etc. Donc voilà, je pense qu'on a été attentif à la question du genre quand on examinait les dossiers. Il n'empêche qu'on a quand même 5 fois plus d'hommes, les chances relatives des hommes sont 5 fois supérieures à celles des femmes. Pourquoi ? Parce qu'au fond, le filtre, il n'est pas au CNU. Je vais, de cette manière, un peu dédouaner le rôle du CNU, même si on en a certainement une part de responsabilité. Le rôle sur, par exemple, la carrière, la difficulté d'accès aux fonctions professorales des femmes par rapport aux hommes, même si la sociologie n'est pas la pire des disciplines de ce point de vue-là. Ben, le tri, il ne se fait pas au moment du CNU, il se fait en amont, avant même de candidater. Pourquoi est-ce que les femmes sont beaucoup moins nombreuses alors qu'elles sont majoritaires dans le corps des maîtres de conférences? Pourquoi elles sont très minoritaires à candidater et à qualifier son professeur? Parce qu'au fond, dans l'exercice de leur métier, dans leur université, dans l'exercice de leur vie en général, hommes comme femmes, ne sont pas à égalité pour candidater, pour constituer un dossier, pour avoir une HDR, pour publier, pour communiquer, pour prendre des responsabilités qui un jour les amèneront aux fonctions de prof. Les inégalités sont flagrantes, on a publié 2 papiers là-dessus, sur la communauté des sociologues. Le CNU prend des candidats à un moment donné, faisant fi de ce qui s'est passé avant. On ne peut pas les corriger, on ne peut pas les rattraper des candidats qui auraient eu des difficultés personnelles. On prend ces dossiers, on les juge et on produit ce qu'on a produit, donc 5 fois plus, relativement, peu importe, vous avez compris. Si on voulait que le CNU soit une instance de gestion des ressources humaines, il faudrait, je ne rappelle pas ça de mes voeux, mais il faudrait que le CNU ait un pouvoir d'action dans les universités, dans le corps et dans la communauté pour dire, ben voilà, il faut distribuer, il faut faire attention au rôle des femmes dans les instances locales, il faut faire attention au rôle des femmes sur des... Le pas que leur donner que des responsabilités pédagogiques qui sont très gourmandes en temps et leur donner aussi des responsabilités qui sont un peu moins gourmandes en temps dans les universités, etc. Donc, d'avoir une politique d'accompagnement qui aille jusqu'au bout. J'ai peur qu'on, et je finis là-dessus, pardonnez-moi d'être un peu plus long que prévu, j'ai peur qu'en confiant au CNU juste un suivi de carrière, donc le suivi de carrière, ça va constituer simplement à donner des notes, c'est bien ou c'est pas bien, sans outils de politique d'action dans les établissements, ben, de cette manière, on ne fasse que entériner des inégalités ou des injustices ou des choses comme ça. Sans moyen de ça. On pourrait envoyer des signaux à la communauté, hein, mais voilà, les signaux à la communauté, c'est parfois insuffisant. Voilà, je vous remercie. Je m'excuse pour cette durée. Merci beaucoup.